Le futur, la justice, Stallone, cette semaine on a maté Judge Dredd et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Judge Dredd de Danny Cannon, le juge Dredd, titre québécois. J'ai vu ça. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir Antoine. Mickaël, bonsoir Mickaël. Bonsoir. Et Greg, bonsoir Greg. Bonsoir Antoine. Ce soir, nous sommes réunis pour parler de Judge Dredd de Danny Cannon, sorti en 1995 de 96 minutes, avec Sylvester Stallone, Armand Assante, Diane Lane, Rob Schneider et Joan Chen. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait terriblement à ça. Quand le crime est au cœur de la société, il n'y a pas de justice. Voilà, super bande annonce. Du coup, on n'aura pas besoin de résumer le film, hein, puisque tout est dit. Hein. Et ils sont vraiment pas fait chier en France, quoi. Tout est dit. Donc, ils ont mis des images avec. Voilà. En gros, ça sent le futur et ça sent la bastonnade. C'est pas joli, joli le futur. Hein. Mais avant tout, est-ce que vous avez aimé Judge Dredd? Alors moi, je tiens juste à dire que je suis extrêmement déçu qu'on ne refasse pas. Qu'on refasse pas le Seagal de la semaine dernière. J'avais envie de le refaire une deuxième fois. Ouais, c'était pas. C'était non, je me suis trompé de mot, c'était nul. C'était pas si mal. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça pas si mal. C'est vrai? Mais c'est complètement dingue, hein. Je te l'accorde. C'est bah, une merde ce film, c'est hallucinant. Mais non, mais c'est passé vite. Contrairement à Piège en haute mer où j'avais trouvé ça maxi long. Tu veux que je te lave la bouche au savon? Mais attends, mais c'est un enfer. Ah, là, quand j'ai regardé pour me dire putain combien de temps il reste, ça faisait déjà 1 heure, j'étais là, cool. Putain, moi j'ai trouvé ça lent mais nul quoi, trop moche. Bah, c'est nul, mais moi je trouve pas ça si mal fait en fait. J'ai trouvé ça les décors pour un truc de c'est quelle année que tu me dis? Le problème c'est que c'est 95, qui sort en 88, c'est peut-être pas mal, mais là en 1995. Ah, c'est pas mal quand même. Non, moi j'ai pas passé un si mauvais moment que ça honnêtement. Les images de synthèse sont pas géniales. Ah non, moi je les trouve bien. Enfin, comparé au costume, regarde, franchement, c'est le costume est trop pourri. Oui, par rapport au jeu d'acteur de tout le monde, ouais, plein de choses est bien. Quoi. Mais... Ah non, putain, c'était une purge. J'ai remarqué puisque la semaine dernière, c'était déjà le cas. La bibliothèque ne se trompe plus alors? T'as changé de bibliothèque? Écoute, en fait, le problème de Piège en haute mer, pour en revenir, c'est qu'il a tellement de succès, c'est un film tellement bien qu'il est plus disponible avant 2016. De toute façon, tu l'avais dans ta propre bibliothèque. Oui, je l'avais dans ma propre vidéothèque. Et Judge Dredd alors? Et Judge Dredd, écoute, je l'ai pas emprunté à la bibliothèque et j'aurais peut-être dû finalement. T'aurais dû. Alors, quelqu'un. Je me refais plus jamais ça. J'ai bien vu que t'avais rien préparé, je me suis dit, tiens, on va le mettre en défaut. je vais vous lire un petit résumé. Hein. Ah, résumé. À Mega City One, oui, c'est le nom de la ville. En 2139, c'est le futur. Pour lutter contre la criminalité galopante, des forces de l'ordre ainsi que des costumes en plastique ont été créés lors d'une expérience génétique. Ces justiciers sont à la fois juges, policiers et bourreaux. Dredd est le plus redouté d'entre eux. Il exécute ses sentences sans l'ombre d'un remords ni la moindre hésitation. Mais le système se retourne contre Dredd quand il est lui-même accusé à tort de meurtre. Le responsable de cette machination n'est autre que son ami et clone Eric, dit Rico, issu de la même expérience génétique que lui. Ce même Rico qui veut s'emparer du pouvoir à l'aide d'une armée de mutants. Bon, c'est le futur, hein, donc il y a des mutants, il y a des trucs qui volent. Il faut déjà savoir que dans le futur, New York se transforme en Tokyo. Bah, c'est l'invasion des Chinois. Hein. ça ressemble à Blade Runner en moche. Ouais, c'est le premier truc. Ouais, ça ressemble à Blade Runner, ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc ça arrive avec Rob Schneider. On va juste faire un point rapide sur lui. Donc ça va être le sidekick plus tard. Il est insupportable. Enfin moi c'est une des raisons pour lesquelles je déteste ce film, c'est ce personnage. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu insupportable. Mais il est pas marrant. Enfin il est dans tous les films qu'il fait, il est un peu insupportable. Hein. C'est qui, ah, c'est il en a fait qui est censé être drôle là? Ouais. Ah, moi j'ai noté un truc sur lui, c'est que le gars il sort de prison dès le début et direct il prend un skycap quoi. Ça veut dire quoi ça? Moi je prends jamais le skycap. Ah, mais ce qui est marrant c'est qu'il vient de purger une peine de 6 mois. Et il prend donc un taxi volant à 600 euros la cour, j'imagine. Et en fait, il découvre la ville comme si c'était la première fois qu'il avait. Exactement. Tu l'as vu il y a 6 mois. En fait. Oh, oh, une piscine. Mais surtout qu'il est pas bien malin parce que, bon, avec son Skycab, il pourra aller où il veut, mais lui, il va juste dans l'endroit le plus merdeux de la Terre, quoi. Mais tu non, vois mais on lui a assigné une zone. Ah ouais, mais j'étais pas très attentif. Parce qu'en fait, t'as la découverte en même temps que lui de Mega City One. Et donc, tu vois bien que t'as chez les City riches. One, je ne vois pas. Mega City One. T'as les riches avec des piscines et les pauvres, c'est la guerre, quoi. Mais dans la même ville. Oui, parce que c'est les riches qui sont en haut, les riches qui sont en haut et les pauvres qui sont en bas. Ouais. C'est du, j'ai jamais vu ça. Et ouais, donc, il arrive inédit dans un scénario de science-fiction. Hein. Il arrive en taxi et le taxi lui dit attention parce que là c'est les émeutes quand même. Et il sort, c'est la guérilla urbaine. Ah bah là c'est la guerre mondiale en fait. Si t'es pas armé, t'es mort quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et parce que là il y a tout le casting de Waterworld qui est en train de se battre. c'est pas le combat de couteau de Bidit de Michael Jackson. Hein. Et le gars il a pas la présence d'esprit de se dire bah attends dépose-moi plutôt au Burger King là-bas, je vais attendre un petit peu quoi. Non il va dans l'immeuble là où ça tire quoi, tu vois. Ah ouais, en plus ouais. Et les gens se tirent dessus, on sait même pas pourquoi, c'est les pauvres qui tirent contre les pauvres. Non mais c'est la guerre. Ouais, c'est la guerre des quartiers, c'est ce qu'il dit. Ouais. La guerre des quartiers. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est la guerre des quartiers? Eh ben il y a un juge qui arrive. Il y a un juge qui arrive. Alors précisez qu'ils sont policier, ouais. Juge, ouais. Bourreau, ah bon, livreur de pizza, postier. Stallone, tu peux l'appeler même pas peur, quoi. C'est le seul qui arrive et qui craint pas les balles. Alors, ils ont un énorme costume. Je sais pas si vous voulez les plastrons qui se tapent. C'est nul. Alors, il faut savoir que Stallone arrive avec 20 minutes de retard parce qu'il a des chaussures de 60 kilos. Sa moto fait 2 tonnes. Ouais. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu sa moto. Ça avance pas. Ben, ça vole. Elle a l'air méga lourde. Donc, il arrive. Ils ont des casques de moto. Enfin, ils ressemblent vraiment à. Ils ressemblent à rien. Ils ont pas pris de liberté, je pense, par rapport aux comics, donc ils ont vraiment dessiné les mecs. C'est vrai que c'était un comics. Oui, c'est un comics, jamais lu d'ailleurs. Donc direct, il fait une petite intervention où il montre qu'il est là et donc il gueule. Il monte dans les tours, il monte dans la tour déjà. Il monte dans la tour, ouais. Et il gueule, en fait, quand il est à terre, il gueule comme un robot, il fait c'est moi, c'est Majin, je suis. Là, ouais, mais même les coupes dans ses phrases, elles sont mal faites, tu vois. C'est mal coupé, genre il coupe au milieu des phrases. Tu sais, t'as les méchants qui font. Il est chelou là, le jeu. Il a oublié des mots là, non? Et ouais, il m'a fait un peu penser à un Terminator, tu vois, qui arrive et qui craint pas les balles. Ouais, il y a un petit peu de ça. Ouais, mais il y a une autre référence au Terminator après, d'ailleurs. N'est-ce pas, hein, je peux pas le dire. Il a un flingue, ça m'a fait marrer. Donc il a un flingue où en fait, tu dis quelque chose au flingue et il s'adapte. Donc tu dis. Balle incendiaire, tu tires, bam, une balle incendiaire. Grenade, tu tires, grenade. Milkshake. Ça veut dire. On a exactement la même blague. Ce qui est marrant, c'est que. Sauf que moi, c'était pas du milkshake. Surtout que, déjà, si tu veux être discret, c'est quand même mal barré. Sulfateuse. Moi, ça me rappelle l'époque où je suis perceuse. En plus, le flingue, il comprend pas. C'est... Ça me rappelle l'époque où tu sais, ta messagerie, t'étais obligé de dire supprimer message. Quand t'étais dans le métro, t'avais l'air con. Supprimer. Suivant. J'ai jamais vu ça, toi. Ah bon, pour une assurance habitation, dites habitation. Habitation. Je ne vous comprends pas. J'ai jamais réussi à me faire rembourser mon dégât des eaux. Et donc là, il va tuer tout le monde, sans exception, sauf un mec. Justement, là, Rob Schneider, là, qui va retrouver dans une machine. Oui, qui va retrouver dans une machine. Alors, il y a des machines qui se baladent pour te vendre de la bouffe. Ouais. Ça, ouais. Par contre, personne les casse. C'est les mecs ont tout cassé partout, ouais, mais les machines à bouffe. En plus, c'est de la bouffe recyclée. On touche pas aux machines à bouffe. Ouais. Bah non, en même temps, ça peut être leur vie. Non, mais c'est de la bouffe recyclée. Moi, je me suis demandé si est-ce que c'était pas du vomi ou. Si, c'est des machines à vomi. Non, je me suis demandé à quoi ça pouvait ressembler, puis à de la bouffe recyclée. C'est-à-dire, toi, la moto de 100 kilos, tu l'as pas vue, mais alors. Mais de quoi peut être faite cette nourriture? Et donc là, c'est le jugement instantané. Code municipal mégacité 7592, sabotage d'un droit public, ça vous fera 6 mois, citoyen, voyant votre ID-carte. Allez, soyez sympa, monsieur le juge Dredd. Dredd? Oh, je tombe Dredd. Ferguson Herman, fraudeur, falsification de droïdes et d'ordinateurs publics, de distribanque, de taxi-robot. Il n'y a pas 24 heures qu'il est sorti de prison, c'est un récidiviste. Peine automatique de 5 ans, qu'est-ce que vous plaidez? Non coupable? J'étais sûr que vous diriez ça. Une peine de 5 ans? Non, mais enfin, non, non, non, j'avais pas le choix, ils se zigouillaient tous là-dedans. Et puis sauter par la fenêtre. Du 40e étage? Mais c'était suicidaire. Peut-être, mais c'était légal. Juge? Votre honneur? Quoi? 5 ans, bagne d'Aspen. Affaire classée, emmenez-le. Ne classez pas l'affaire, c'est une erreur judiciaire, c'est une erreur judiciaire, je suis innocent. Voilà, traficant distributeur, ça pardonne pas. Ouais, c'est 5 ans à Aspen. Ah ouais, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que les juges, enfin tu vois, ils sont tous terrifiants. Lui, il est terrifiant. Et à chaque fois, les mecs négocient genre comme si c'était oh, vas-y, juge tranquille et tout. Le mec derrière prend 5 ans à chaque fois. On sait, et le gars vient de tuer 19 personnes. Moi, le gars, je fais ok, 5 ans. Attends, 5 ans. Là, lui, il négo genre il y a pas moyen de gratter et tout. Mais t'as pas vu que le gars, c'était la loi et l'ordre. Quoi. Ouais, ça arrive plusieurs fois dans le film. En plus, ça va arriver plusieurs fois. Ouais. Parce qu'après, il y a la scène de la Ferrari, là. Ouais, où le mec, carrément, veut le corrompre, en fait. Tu sais pas pourquoi, etc. Le mec est bourré, volant d'une Ferrari, et il fait, allez, c'est quoi les bails, Déjà, c'est marrant parce qu'on est à l'époque des voitures volantes. Quand c'est le futur, ce sont les voitures sont volantes. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Ouais. On est à l'époque des voitures volantes, donc clairement, il pourrait se garer en passant par-dessus. Mais le mec, il se gare quand même en créneau. Il se fait arrêter par la police parce qu'il a juste tapé, en fait, une voiture derrière une voiture devant, et ils lui détruisent instantanément son véhicule. Pour un créneau, hein. C'est-à-dire que tu fais un créneau, ton véhicule est pulvérisé, tu trafiques un distributeur de bouffe, tu prends 5 ans, quoi. C'est quand même une société un petit peu sévère. Ouais, c'est assez sévère. Alors, c'est le problème, d'ailleurs, parce que la scène après, c'est le conseil. Donc là, tu vois, le conseil de la cité, c'est un peu toujours pareil dans les méga-cités. Il y a 4 ou 5 personnes un peu âgées qui sont les chefs, quoi. C'est le QG des juges. Et vous savez qui y a dans ce conseil, comme acteur? Non. Bah, le juge, en fait, qui se sacrifie pour Stallone, d'ailleurs, c'est Max von Sydow. Qui était en fait, tenez-vous bien, l'acteur fétiche de Ingmar Bergman. Ah bah oui, ça nous parle tout de suite. C'est qui? C'est qui ton truc? Du coup, c'est dans Fast and Furious. Bergman, c'est une marque de personne. Ah, bon, désolé d'être un peu de culture. Et c'est aussi le mec qui joue l'exorciste dans l'exorciste. Ça va, Miguel. Ah, mais ça, par contre, il fait une bien moins bonne prestation dans ce film, je trouve. Bah, c'est étonnant, après avoir joué dans 150 films de Bergman, de faire. Faut bien bouffer. Hein. Il lui demande d'ailleurs, parce que c'est comme d'hab, hein, donc le grand gentil capitaine qui va ne plus l'être après pendant le film. Et bah son meilleur ami c'est Stallone et il va lui dire écoute ça te dit pas d'aller faire un petit cours à l'académie un petit cours de d'éthique. Non mais ça promet. Ah vous avez vu la version anglaise? Ouais. En français c'est d'instruction civique. Ah non moi j'ai vu en VO. Alors ils ont en sifflé VF pendant la Marseillaise. Ah oui. En VF c'est cours d'éthique. Ah j'ai peut-être vu une version. Ah il y en a un de vous deux qui a vu la version québécoise. Ouais. T'es Ah, je pense que c'est toi. Hein, bah, ça dépend. Si dès qu'il dit Dredd, il dit le juge Dredd. Moi, non. C'était la vraie voix de Stallone aussi dans le doublage. Et. Bon, bah, c'est Barlich. Voilà. Bah, non. Désolé de te le dire, mais bon, c'est. Le cours, c'est le cours le plus marrant de l'univers. C'est-à-dire qu'il fait une démo des flingues, une démo de la moto. Il fait voilà, c'est fini. Surtout, il fait un espèce de discours. Hein, on dirait un premier ministre, quoi, quand il parle aux cadets, quoi. Et puis, il n'y a rien d'autre, quoi. Après, c'est l'arrivée de Rico. Alors oui, déjà, du méchant. Mais déjà, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une de ses collègues, je sais plus comment s'appelle d'ailleurs l'actrice ou le personnage. Déjà, les vestiaires sont mixtes. Oui. Non, mais c'est comme ça, c'est le juge. Juge Hershey. Et donc, c'est là où elle voit la photo, elle dit, mais vous aviez un. Il fait, ouais, il dit, j'ai pas d'amis, machin. Ouais. Et en fait, on apprend qu'il a eu un ami. Il veut pas dire. Il a dû le juger. Ah, il a dû le juger. Et alors là, du coup, c'est la scène de la prison, puisque là, on bascule sur son frère clone Rico. Son frère qui est médecin. Oui. Ah non. Hein? Ah si, non, c'est le fameux Dr Dredd. Oh. Ben non, c'est. Je mets un copyright sur ce. C'est Rico qui est interprété par Albert Dupontel et qui va s'évader de prison. Alors là encore, la sécurité, franchement, ils peuvent faire un petit effort, quoi. L'évasion, elle est un peu simple. Bah pas au début, mais bon, après, en fait, quand tu les vois arriver à Aspen, tu te dis, ok, à Aspen, même si tu sors, tu meurs. Ouais. Sauf que lui, déjà, il sort, et en plus, il meurt pas, c'est incroyable. Bon, ça va vite, il s'échappe, il va voir un mec, il récupère une valise. Alors, il va dans une espèce d'armurerie, enfin, un bazar, et il récupère... Un bazar. Bah, c'est comme ça, c'est écrit bazar. C'est écrit bazar. Hein. Ouais. D'accord. J'ai cru que tu étais... Là, il va dans la médina et il y a un bazar. et en fait, il prend un colis, enfin, il reçoit un colis, et c'est une combinaison de juges avec une arme de juge. Et il tue le mec, alors que le gars, il vient de lui filer la valise, il a pas l'air d'être si méchant que ça. Il vient de voir que c'est un juge. Attends, de toute façon, Rico, il est méchant. Ouais, donc voilà. Ouais, ça c'est vrai. Donc il tue des gens. Ah bon ? Là, est-ce que t'as compté combien de personnes Judge Dredd tue ? Non, sans doute trop. Non, ouais, moins que. Ouais, moins, parce que l'autre c'est 100. Moins que Steven Seagal, ça c'est sûr. Mais tu vois, là c'est pareil, dans cette scène, il arrive et derrière il y a un robot géant, alors qu'il va lui prêter de caution de genre d'invincibilité au méchant, parce qu'il va, il va s'en servir. Et il est complètement désarmé, détruit et tout. Alors déjà, pourquoi il se sert pas de ça pour faire la loi et l'ordre, on sait pas. Et le gars il lui dit, non, le robot, laisse tomber, on trouve plus de pièces, il marche pas, ce serait vraiment trop compliqué de le réparer. Il tue le mec et le gars il fait, bonjour, putain, mec, tu l'as réparé en deux secondes. Il reboot le robot. Ouais, mais ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'était facile à réparer, cela. Moi, je me souviens à l'époque, il les réparait comme assez facilement. On trouvait les pieds sur le bon coin. Et ça, c'est pareil, tu vois, on le voit pas sortir de la prison, mais on le voit pas sortir du bazar avec son Terminator. Parce que c'est un peu grillé. C'est pas très discret, tu vois, de te balader dans la rue avec un Terminator, quoi. Donc, bon. C'est pour ceux qui savent pas, ça ressemble au général Grievous dans Star Wars. Ouais. Il y a encore moins de personnes qui voient. Alors le problème c'est qu'avec un robot comme ça tu peux pas prendre le taxi, donc ils font tout à pied. Et maintenant ils montent sur son dos. Ouais, on est les meilleurs copains. Ceci dit, ça force le respect dans la rue, hein, quand tu te balades avec un truc comme ça. Hein. Bah Zdou, il doit être le seul, mais et là il va faire son premier contrat et son dernier contrat du film. Il va aller tuer un journaliste. Et alors bon, il va s'habiller en juge pour le faire. Et ça m'a fait marrer parce que le journaliste, il est tout seul chez lui avec sa femme. Il est en train de parler du juge Dredd d'ailleurs. Et là, tout le monde parle que de ça dans le film. Il y a le seul sujet de conversation. Et là, la porte de chez lui s'ouvre. Et là, il y a le mec, et là, bam, il le tue, il tue sa femme, et il s'en va. Alors, pour faire des émeutes, ça a l'air d'être maxi le bordel. Pour monter chez les riches, les tuer, ça a l'air d'une facilité. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien, quoi. Ah, mais quand je pense que quand t'es habillé comme un juge, tout le monde te laisse passer, non? Peut-être. Bah, oui, peut-être. Ouais. Eh, mais le robot, pas, il est où le robot? Il est où le robot à ce moment-là? Il l'attend dans le couloir? Bah, tu m'attends là, hein, je mets pour deux secondes. Un joue avec les carcasses de bagnole. Surtout que tu sais, tout le monde parle du Judge Dredd comme si c'était, tu vois, enfin, c'est vraiment une star, alors que. Alors que tu vois, ça pourrait être un homme important, sauf que le seul truc qu'il fait, c'est verbaliser les mecs qui se garent mal, tu vois. Donc au bout d'un moment, ils les verbalisent pas, ils détruisent leur véhicule. Non, mais c'est qu'il est incorruptible et que c'est le plus. C'est le plus méchant, quoi. Bah ouais, mais enfin, le plus méchant qui met la plus méchante des pervenches, en fait, c'est ça, quoi, tu vois. Ah, elle a mis trois contraventions la semaine dernière. Non, alors, au risque de dire une connerie, je crois que dans le comics, Judge Dredd, c'est un personnage assez sombre et qui est pas un héros, genre, super gentil, super. Il prend des mauvaises décisions parce que c'est un con. Ouais. Ah. Donc ensuite, il va être jugé au tribunal, le juge Dredd, parce qu'il va être accusé finalement du meurtre du journaliste. Ouais. Et ça me fait trop mal parce que le tribunal, il commence par une vidéo. Alors, c'est-à-dire que tout le monde chez soi a une caméra qui te filme en permanence au cas où tu te fais. 2139, mec. 2139. C'est vrai. Attends, c'est vrai. Mais par contre, ils ont pas la haute définition. Ils ont pas la haute définition, visiblement. Ils ont pas la haute. Et il y a un truc, il mate la scène du meurtre. C'est une boucle vidéo de 3 secondes qui regarde en boucle. T'entends. Ah! Ah! Et les mecs regardent ça pendant 15 minutes, quoi. Mais t'entends surtout, vous avez bonne mine! Si, j'y vais bien. Et la boucle, elle dure 3 secondes et tout le monde est là. On peut arrêter maintenant, ça fait 25 minutes quand même. Et là, donc là, il va, en avocat, il va prendre sa copine, Juju Hershey. Ouais. Elle a joué dans d'autres trucs, elle ou pas? Je sais pas, ouais, je pense. Ouais. Aucune idée. Le costume lui va bien, en tout cas. Le costume lui va bien. Mais il y a un peu moins gros que le chien. Il va bien, je sais. Faut pas commencer là-dessus, hein, les gars. Non. Parce que je lui va bien, si je lui va bien. Elle va faire une Erin Brockovich, c'est-à-dire qu'elle est pas avocate, mais elle va faire la défense ultime. Genre, elle a rien préparé, tout va bien marcher. Et il va y avoir un couac, puisque... Ah, c'est quoi la défense? Et bah, c'est qu'en fait, les pistolets, ils marchent à l'ADN. Alors en fait non, c'est pas la défense, c'est que la vidéo est suffisamment mauvaise qualité pour qu'on connaisse pas, on n'arrive pas à identifier vraiment le mec. Mais en fait effectivement les pistolets marchent à l'ADN, ce que les juges ne savaient pas. Par contre le mec du bazar lui était au courant. Vous avez remarqué parce que le mec du bazar explique au type qui vient, enfin à Rico qui vient chercher Colin, il dit ce mec, ce pistolet là, il peut pas marcher parce qu'il est connecté directement à votre ADN. Non, c'est pas ça qu'il, je crois qu'il explique que s'il s'en sert, il va se retourner contre lui. Oui, comme mais il est au courant que il faut servir de son ADN pour pouvoir, enfin. Non, je pense que c'est plus des empreintes que de l'ADN. Est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer dans un débat sur une technologie qui n'existe pas? Comment ça, attends? Et donc là, il va être accusé à tort, il va hurler cette phrase, la loi, c'est moi. Là, il est perturbé parce qu'en fait, c'est un schéma un qu'il a jamais, là. Qu'il a jamais compris quoi. Ouais, enfin, j'ai un peu fait une critique de liberté là. La bavure policière, ça n'existe pas pour lui. Du coup, on l'envoie un zonze et là, il comprend pas. Il comprend pas. Et il est encore en boucle sur son truc, genre je suis la loi, je suis la loi. Et donc là, il va être complètement déchu. Veuillez me pardonner. J'ai trahi votre confiance. Vous avez fait de votre mieux, Archie. Merci. Que celui qui a trahi la loi soit banni de nos tribunaux. Qu'il soit dépouillé de son uniforme. Qu'on lui ôte ses emblèmes de justice. Qu'il soit rayé de nos cœurs et de nos mémoires. À jamais. Je crois que le plus dur dans la peine, c'est quand même qu'ils soient rayés de leur cœur. dans le montage, parce qu'il y a un petit montage, on lui enlève ses chaînes, en machin. Il a un t-shirt noir et on lui arrache les manches et ça fait automatiquement un débardeur de prison éclaté de rire. Je sais pas. C'est-à-dire que chaque t-shirt est prévu pour être décousu au niveau des manches au cas où tu ailles en prison. Ce que j'aime bien dans la bande-annonce, c'est qu'on me dit qu'il n'y a pas de prison, sauf que Rico et Stallone, ils vont en prison. On les tue pas. Mais la musique magistrale, hein, c'est Alan Silvestri hein, de Retour au futur. Oui, mais ça s'entend, hein, y a des moments où tu reconnais, ça ressemble un peu. Après, alors, il s'avère qu'en parallèle de la scène où il va en prison, on essaye un peu d'expliquer le plan du méchant. Et à ce moment-là du film, on ne comprend absolument rien. Franchement, il y a le projet Janus qui sort et on commence à nous expliquer un peu ce qu'est le projet Janus. Et, Ouais, il veut dominer quoi. En fait, bon, tout simplement. Leur but, c'est de foutre le chaos dans la ville pour que le conseil, disons, on utilise le projet Janus en dernière solution. Le projet Janus, c'est la multiplication de c'était la création d'hommes en fait, juge de juges quoi. Voilà, du juge parfait. Ouais. Non, c'est juste que l'autre il veut méga dominer avec en plus ses clones quoi. Tu vois. Oui, voilà. Mais je le dis plus simplement. Hein, et là, je comprends pas du tout pourquoi le vieux il est remercié. Donc le grand chef de la cité, on lui dit voilà, c'est bon, c'est fini. Et là, tu marches dans le désert tout seul, en gros, tu vas mourir. c'est quoi qu'est-ce qu'il est censé faire? Allez, ouais, là, tu vas marcher dans le désert. Allez, c'est l'heure. Moi, j'ai compris pourquoi il démissionnait. Oui, il démissionne pour éviter à Stallone, parce qu'en fait, quand il démissionne, il a le droit à une volonté. Une dernière volonté. Comme Stallone est condamné à mort et qu'il veut pas que Stallone meure. En fait, il exige qu'il soit pas condamné. Oui, attends, mais la démission, tu peux aller tranquille dans ton appartement, te reposer. Non, t'es pas obligé de partir tout seul dans le. Ça, oui, ça en revanche, j'ai pas bien compris. Mais en gros, il va au casse-pipe, le gars. Non, mais parce qu'il va chercher Stallone. Stallone. Mais j'ai pas compris. Il va faire la rando, hein. C'est peut-être sa passion finalement. Bon. Donc sa copine, pendant ce temps, elle fouille dans son casier, elle trouve les photos de famille. Il y a un truc avec l'histoire d'un photomontage qui est complètement débile. Ah ouais. Quelqu'un avec ça, c'est 2139. Là, c'est pas Photoshop. Là. En fait, on s'aperçoit, enfin, on apprend qu'en fait, le juge Dredd a été créé, en fait, génétiquement, et qu'en fait, ils lui ont créé un passé en trafiquant cette photo où il est jeune, où il est bébé avec ses parents, alors qu'il n'a jamais eu de parents, en fait. Triste, hein. Donc, en gros, ça veut dire que c'est un bébé éprouvette, elle le comprend. Et lui, pendant ce temps, là, c'est comment il va s'échapper, c'est que là, il est dans la navette qui traverse le désert pour aller de Mega City One à la prison. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que ZZ Top l'attendait pour péter sa navette. Alors, l'espèce de vieux fou du désert, là. Ouais. Et j'ai pas bien compris leur projet, c'est-à-dire qu'ils détruisent la navette au bazooka. Ouais, non, mais je sais pas si faire des survivants. C'est-à-dire tout le monde est mort sauf Stallone. C'est quoi leur plan? Parce qu'il faut dire quand même ils sont cannibales. C'est peut-être de. Ouais, mais ça, c'est pas un plan. Hein. C'est pas un plan cannibale. C'est une culture. Non, je sais pas s'ils font souvent péter des navettes de prisonniers. Hein. Bon, en tout cas, c'est plutôt un succès, faut le dire, parce que le truc est énorme. Et moi, je le trouve pas si bête, hein, le père, parce qu'il a quand même réussi à inventer une machine à rendre son fils méchant avec un bouton sur la tête. C'est une technologie, c'est 2139, je sais pas ce qui va se passer, mais lui, il assure en tout cas. C'est pas mal. Il fallait mettre ça sur le méchant Janus, là. Ouais. Alors que le gars dans le désert sans techno, il y arrive. Problème. Ouais. Problème. Là, il va être pris en otage. Scène de torture. Alors, faut savoir qu'il a retrouvé quand même le geek, parce qu'il est assis à côté de lui. Hein, ils sont retrouvés quand même, c'est quand même une coïncidence. Comme de par hasard. Et du coup, ça va former un duo de choc jusqu'à la fin. On est content qu'ils se retrouvent les deux là. Ouais, d'ailleurs, ils s'aiment beaucoup, hein, parce que Judge, il commence vraiment à avoir de l'affection pour lui. Pas du tout. Et en gros, là, c'est un peu le bordel, mais le vieux qui a été exilé de la cité, il arrive là. Je sais pas comment il est pareil. Bien senti, le mec. Ouais, forcément, il le connaît, donc il y a Castagne et tout, machin. Il y a Castagne, enfin, tout le monde, inutile, il y a Lidmore, et il avoue tout à Stallone. Il lui dit, voilà, en fait, t'as pas eu de famille, tu es un bébé éprouvette, Rico, ton meilleur ami, est en fait ton frère, et c'est, comment c'est, le criminel parfait génétiquement. Ouais. Contrairement à toi qui est... Contrairement à toi qui est pur. Justicier parfait. Comment vous avez pu merder génétiquement, c'est... Non, c'est... Ah, il a le gène du criminel parfait. Ouais, bah c'était soit lui a donné. Non, bon, bref, ça n'a pas de sens. Et là, il va mourir, musique, tout ça. Et il y a la statue de la justice. Et voilà. Qui a les yeux bandés. Ça m'a fait penser à un autre film, mais je me souviens plus lequel. La planète des singes. Non, je l'ai pas vu. Celui-là. Et ensuite, c'est le montage. J'adore ça. Le montage chaos avec le meurtre des juges en série et Yoko Ono. Et donc là, ils vont désinguer tout le monde parce que le temps que Dredd y revienne, pour mettre le chaos dans la ville, c'est le bordel. Et en fait, le méchant Rico, il va doubler le méchant sénateur. Le nouvel extra génétique a été multiplexé et les nouveaux gamètes sont déjà en train de se séparer. Les nouveaux gamètes? Non, pas ça, non. Vous ne savez pas ce que vous faites. Les nouveaux modèles de Juge Janus n'auront rien à voir avec vos marionnettes. Ce seront mes frères et sœurs cette fois-ci et ils feront ce que je voudrais. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Vous avez perdu la raison. Je dois vous exiler, les deux. Contrôle ! Aidez-moi ! Désolé, juge suprême. Le robot Bacterio n'est pas relié à mes processeurs centraux. Pas de bol, Griff. Fallait te tenir un jour sur les techniques nouvelles. Robot ! Arrache-lui les bras et les jambes. Non ! Et garde sa tête pour le dessert. Je veux qu'il voie tout. Ça va l'éclater. Non ! Greg, t'es à jour sur les techniques nouvelles de 2139. Sauf que le mec a passé 5 ans en prison, il est au taquet, quoi. Non, mais ce qui est pas rassurant, c'est qu'en 139 années, l'humain n'évolue pas, il veut toujours faire régner le chaos, hein, tu vois, on sait pas pourquoi. Il veut toujours dominer. Mais on a abordé cette thématique dans le podcast précédent. Ouais. Il va mettre une crapule, Greg. La guerre du golf, Greg. Tu t'en souviens, la boucherie? La boucherie que c'était pour du pétrole. Du pétrole. Putain, l'homme est un fumier. Bah, qu'est-ce qui se passe après? Alors après, c'est l'arrivée à la cité de Dredd. Et alors pour arriver dans la cité, il faut passer par le tunnel de feu. Ouais, normal, ouais. Le tunnel de feu, alors, j'explique vite fait, je sais pas pourquoi, hein, mais ça dure, je sais pas, il y a 30 secondes où il n'y a pas de feu. Et donc apparemment, tu peux passer. C'est un tunnel qui crache des flammes, en fait. Et il y a une intervalle de 30 secondes entre chaque flamme. Et donc, t'as 25 secondes pour traverser le tunnel pour pouvoir passer. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils se concertent pas du tout avant d'y aller. Du coup, le type dit, on y va maintenant. Du coup, ils ont attendu 3 secondes, 3 ou 4 secondes. Surtout, donc, surtout, moi, je me suis amusé à chronométrer les intervalles. Donc, en fait, il y a un intervalle de 30 secondes, en théorie. Donc, le premier intervalle, donc première flamme. Il y a effectivement un intervalle de 30 secondes avec le deuxième parce qu'ils discutent entre les deux. Deuxième 30 intervalle. Secondes pile. 30 secondes pile. Ah bah, deuxième intervalle, il y a 20 secondes. Et troisième intervalle, il y a 18 secondes. Donc ils avaient intérêt à se dépêcher quand même. Hein. Et moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est, il a pas l'air de l'apprécier tant que ça, de toute façon, son sidekick à la con, là. Et ils courent tous les deux dans le tunnel de flammes. Rob Schneider, il tombe par terre. Et là, Stallone, cas de conscience, genre, il faut que j'aille l'aider à se relever. Le mec, il vient de tomber, il se relève tout seul. Enfin, t'es tombé d'une course, tu te relèves, t'as pas besoin d'un mec qui te porte, qui s'est rien cassé, puisqu'il va se relever tout seul, de toute façon. Oui, non, il faut pas prendre des risques, revenir sur ses pas, sachant que personne n'a réussi à traverser ce tunnel, on ne sait pas la longueur qu'il fait. Ouais. Et sachant ça, un peu stupide. C'est peut-être le moment du film où il prend un côté un peu humain, où il commence à avoir des sentiments, quoi. Ouais, je suis tout à fait. Tout à fait. T'as pleuré, Greg, à ce moment-là. J'ai pleuré, j'étais de souffrance, quoi. Là, tu vois. Quand j'ai vu le tunnel, j'ai fait non, ils vont pas nous faire le coup de la flamme et du mec qui tombe et tout, et si bam, dedans. Quoi. Ouais. Moi, c'est la scène d'après que j'ai pleuré. Je suis obligé de leur raconter ce truc-là. J'ai vraiment trouvé ça, mais d'une nullité infinie. C'est-à-dire qu'à un moment, Judge Dredd, il arrive, il assomme un juge pour pouvoir prendre ses fringues de juge. Ouais. Ouais. Bonne idée. Ouais. Bonne idée. Donc, il assomme le gars, il commence à le déshabiller. Et Rob Schneider lui fait, mais qu'est-ce que tu fais? On n'a pas le temps pour ça. Le temps pour quoi? C'est-à-dire que t'allais sodomiser un cadavre. Enfin, c'est un film tout public. Cette blague n'a rien à foutre là, quoi. Il n'y a que toi qui as l'esprit aussi mal tourné, c'est dégueulasse. En même temps, quand il lui enlève son costume, le juge est en porte-jartel en dessous. Hein. C'est quand même chaud, j'ai pas compris ça, moi. Ah, tu pensais voler ses papelards ou un truc comme ça? Non, je croyais que c'était une phrase qui avait rien à foutre là, en fait, quoi. C'est le cas. Ouais. En fait, c'est une vraie blague. Bah, je sais pas, moi j'ai pensé que c'était une vraie blague en référence à un truc sale ou naze, quoi. Ah, tu crois? Et j'ai vu ça, j'ai vu, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. Massacre du conseil? comme d'hab, hein. Ouais, bon. Dans toutes les cités de 2139, bah, c'est avec du conseil, hein. Bah, de toute façon, quand tu veux prendre le pouvoir, faut bien niquer tout le monde. Les conseils, donc le. Ok. Bah, tout le monde. Il y a la scène de la moto. Poursuite à moto. Moto 3D. Moi, j'ai juste un truc à dire sur la poursuite à moto, c'est que quand ils montent sur une moto qui marche pas, la moto la plus technologique du monde, 2139, je le rappelle, pour la faire marcher, ils tapent dessus. C'est comme les distributeurs de canettes aujourd'hui. Et après ça, c'est-à-dire qu'il prend tous les risques. Il va slalomer entre les immeubles. Une moto, il y a deux secondes avant, elle marchait pas. Quoi. C'est-à-dire que c'est, imagine, c'est un mec dans un avion, son 747, il décolle pas. Bam, bam, il tape sur le compteur. Bah, c'est bon, c'est parti. Pareil décollage, on y va, messieurs, dames. On vous souhaite un bon vol. Moi j'ai trouvé ça très très moche la 3D, les incrustations, j'ai trouvé c'est, ça c'est dégueu. Le seul truc à sauver quoi. Mais encore c'est pas sauvable non plus quoi, tu vois. Donc, bah, c'est du plein ta gueule et des explosions en chaîne. Ouais, alors là on est à 15 minutes de la fin du film. Et c'est le moment où ils choisissent de faire sortir les clones, enfin de faire les clones. À 15 minutes de la fin du film, tu te dis, oh, putain, on va pas les voir souvent, on va pas les voir beaucoup les clones. Bah, non, mais attends, ils mettent au moins 8 heures à être fait, quoi. Oui, 8 heures, ils mettent 8 heures. Ouais. Ouais. C'est thermostat 7. Non, mais surtout, les clones, on va même pas les voir. Bah, si, non, on va les voir, ouais, on les voit une demi-seconde. Attends, on voit une momie qui se lève de son sarcophage et se fait direct. Je trouve ça nul. Il y a la scène de fin, donc il est où le QG à la Statue de la Liberté. Je pense que c'était plus simple pour faire une base secrète. Et surtout une sortie de champ. Et alors, il y a la tirade de fin avec l'explication du plan final, j'ai rien compris. Il y a l'éternel combat de femmes, ça j'ai vraiment kiffé. Le, oui, oui, la petite session, oui. Catch féminin, ça je l'ai trouvé. Un bruit de coups de poing qui sortent de l'espace, mais le sound designer il a mis BAM les gros coups de poing. Enfin, ça va, ça passe bien là. C'est abusé. Et à la fin, vous avez quelque chose à dire sur la scène de fin? Moi je vais passer à la happy end. Hein. Bah, moi c'est le bisou encore maxi cliché. Ah oui, d'ailleurs vraiment tout à la fin. D'ailleurs pour le coup c'est vraiment le même que Piège à retenir. Grave. C'est pareil. Exactement le même. Ouais. Non mais là celui-là il m'a fait marrer parce que le mec sort du building. Alors c'est le jour. Avant c'était la nuit, il pleuvait, là il sort, il fait beau. Tous les mecs qui l'avaient accusé à tort, ils ont là, tu sais pas comment, ils ont été informés qu'en fait il est gentil. Alors qu'il y a aucun moyen de communication ou quoi, donc il y a aucune explication. Et il y a un mec qui vient le voir qui fait. Juge Dredd, vous voulez être président? Oui. Bah, ça va un peu vite là quand même. Et tu te souviens ce qui répond? Fait non, je suis un policier de la rue. Voilà, je suis un policier de la rue. D'ailleurs, je vais être en retard au boulot. Il dit vraiment ça. Et il se barre. Je suis un policier de la rue. Moi, ce que j'aime, c'est les lignes jaunes et les contraventions. Ah, moi, je suis pervenche. Et je reste un pervenche. Ah. Ce qui est trop marrant, c'est que son espèce de sortie magistrale, elle est ridicule. Il s'assoit sur sa grosse moto qui avance à 10 km/h. Ouais. Et il fait la petite embrassade. Non, mais moi, je l'ai pas vu venir en fait. Parce qu'avec la nana, il a trop. Enfin, il se passe rien du tout. Il y a même pas une lueur d'émotion dans ses yeux. Il y a rien. Ouais, et à la fin, il l'embrasse quoi. Elle il lui a même pas sauvé la vie. Peu, il y a un côté Demolition Man, pour ceux qui l'ont vu, son rapport avec la flic. Ouais. J'ai pas vu Demolition Man. Moi, je ne suis pas Bergman. Ça peut peut-être tomber. Hein. Et Julie est pas là, je vais lui faire honneur. J'ai une petite anecdote sur son film. Génial. C'est que après Judge Dredd, putain, j'y arriverai jamais. Stallone a pu de contrat tellement c'était de la merde. Ah, c'est vrai. Et qui et sa carrière a fait un peu un creux de la vague et qui s'est reparti sur. Est-ce que c'est la période où il a fait Copland? Tu te souviens, il avait fait un petit film qui s'appelait Copland. Ça, c'est qui quoi était c'est à ce moment-là qu'il revient, je crois, sur Copland. Ah ouais, sur Copland. Ouais. Non mais c'est un peu le creux de la vague pour lui. Copland, c'était le tunnel à la con, non? Non, c'est un film un peu. Bergman. C'est un film social. Donc globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, c'était une catastrophe. Perte de temps, quoi. Hein, vraiment, 2 heures de perdu là pour le coup. Hein, vraiment. Enfin, 1h30. Bah après, Piège en haute mer pour le coup. Ouais, bah c'est vrai que. Ah non, mais attends, je suis désolé, Barbara, je suis désolé d'insister, mais c'est. Bah c'est pas Bergman, Piège en haute mer. Qui l'attente. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, génial, hein, ce nouveau truc. Il est vraiment bien, vous êtes d'accord. Le scratch est bien placé, moi, je trouve. C'est nickel. Ouais, je peaufinerai, si vous voulez. Vous êtes un peu exigeant. Alors, par contre, le bonheur de Judge Dredd, c'était les commentaires. Il n'y en a pas tellement, mais c'est vraiment des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, j'en profite que malheureusement, j'ai pas tous pu les sélectionner, mais je dis que j'en mettrai quelques-uns sur le Twitter et le Facebook, parce que vraiment, il y en a beaucoup de pas mal. Donc, j'en ai 4, j'ai 4 commentaires. Donc, il y en a un, le premier est très argumenté, un peu long, mais j'ai voulu le sélectionner quand même. C'est AVP44 qui dit « Ce film est vraiment bien, 5 étoiles. » Merci AVP. Vous l'invitera à tête, non? Ensuite, on a Judge Brutal qui nous dit « C'est simple, s'il fallait retenir qu'un film parmi tous, ce serait celui-là. Ici, on ne parle même plus de chef-d'œuvre, mais d'œuvre transcendée par un esprit de génie qui a su montrer l'incarnation humaine de la loi dans son absolu. » Oh là là. Non, c'est à peu près ça, non seulement ici Stallone incarne le rôle de sa vie, mais en plus de ça, il arrive à donner une consistance presque palpable à son personnage très nuancé. Bah, très nuancé. Dans le futur, un homme est la loi et c'est lui. Un film à voir et à... Une voix toute douce. Un film à voir et à revoir pour tout bon cinéphile qui se respecte, ne serait-ce qu'un minimum. 5 étoiles. Il a pris beaucoup de vitamine lui avant de l'écrire ça. Ensuite, on a Archiboy 007 qui dit Et voilà que j'avais oublié de parler du meilleur film de tous les temps. Je flippe parce que le truc il a l'air super long et Michael est déjà super chaud. Le gars tous les genres. Tous les genres confondus. Quel bonheur. Quel scénario. Quelle lumière. Quel costume. Quel décor. Sir Stallone. Ah oui. Sir Stallone. Pour l'occasion, cette grosse brute écervelée aux hormones joue tout en délicatesse. Je regrette que l'Oscar lui ait à ça passé pour son interprétation tellement convaincante. Le 7e art n'a jamais aussi bien porté son nom. À voir, à revoir et à avoir dans sa collection, juste à côté de Michel Vaillant. je suis sûr que c'est de l'ironie. Je sais pas. En fait, le dernier, par contre, il est pas ironique et il est assez formidable. Il est un peu long, mais il vaut quand même le coup. C'est Fan de Coach qui nous dit... Ouh, à une lettre près. Judge Dredd, 2 points. Alors là, j'ai tout simplement adoré ce film qui mélange en merveille le genre science-fiction action avec le excellent Sylvester Stallone. Ce film va directement dans les panthéons des films de SF que j'apprécie particulièrement. Le panthéon des films de SF que j'apprécie particulièrement. Le mec, ici, il y a des phrases un peu proustiennes. C'est pas les meilleurs films de SF que j'ai vus, mais je l'ai adoré. Et je sais pas pourquoi. Bah, nous non plus, on sait pas pourquoi tu l'as adoré. Vraiment, j'en étais conquis par ce film, car j'étais impressionné et bluffé par certains points, qui pour l'époque est assez impressionnante. Alors, c'est l'époque qui est impressionnante. Déjà par sa réalisation qui est juste excellente, de très grande qualité. Certains plans sont magnifiques, surtout celui de la fin. Mention spéciale aux décors qui sont juste sublimes. Hey, j'ai vu le making of et c'est des vrais décors. Et moi je dis respect car ils sont magnifiques. On fait plus des films avec des vrais décors. Maintenant c'est pratiquement tout à l'ordinateur. Bon ben. À l'époque, ils faisaient tout eux-mêmes. Et moi je dis bravo. Et les costumes sont aussi sublimes. Et niveau mise en scène action, ça envoie du lourd pour les parents. C'est pas fini, les gars. Les incrustations lors des scènes d'action en verre sont excellents. Plus réussies que certains les films. Actions en verre. Donc du côté réalisation, ça assure et c'est efficace. Et moi, je redis bravo. Ensuite, le scénario... Le scénario est vraiment super. Très intéressant à suivre. L'univers futuriste. SF est vraiment magnifique. Très bonne vision de notre futur. Et puis l'histoire de cette justice dans ce monde qui a succombé au chaos, où des policiers justes sont mis en service pour régner la loi et l'ordre, moi j'ai adoré. Et puis l'histoire est vraiment captivante. Et intéressante, cette histoire de complot contre le juste Dredd. Et puis ce film est rempli d'action, de répliques cultes. Certes, pour certains, les répliques seront quiches, mais ça colle bien au personnage et tout. Et puis moi, ça me dérange pas, au contraire, j'adore. Et puis j'adore le personnage qui est tiré. Et puis l'interprété par le excellentissime Sylvester Stallone, qui est vraiment super dans ce rôle de justicier, qui fait la loi, mais qui se fait bannir, sûrement un complot. Et puis les autres acteurs, aussi sont très bien. Et pour finir, les musiques qui sont juste énormes, surtout celle du générique de fin qui est juste sublime, et je l'adore comme musique. Voilà. Moi, j'ai adoré. C'est un énorme coup de cœur pour ce pur chef-d'œuvre. 5 étoiles. Oh, putain, c'était le commentaire le plus long de l'histoire de Donald Trump. Il est pleuré de rire, quoi. Mais c'est quand genre le gars au bout de 20 minutes il fait et ensuite c'est un truc qu'il a en 19 parties. Tu sais que c'est le premier commentaire que j'ai lu et je me suis dit putain ça commence vraiment très bien. Ah mais c'est incroyable. Bon, c'était allez, notre avis sur c'était notre avis sur le film Judge Dredd et celui des autres. Quant à nous, on va tirer deux films au chapeau. Alors, pour la semaine prochaine. Ah, c'est automatiquement alors, Barbara. Je tiens juste à dire que j'ai auto-décrété tireuse de chapeau. Après, il y en a un des deux. Ah oui, moi je veux bien. Ah bon ? Alors, je tiens juste à signaler que tu vas faire les deux films quand même. Bah pourquoi pas. Je tiens juste à signaler que j'ai remis Piège en haute mer dedans. Moi j'ai un peu envie de secouer allez. Parce que je t'ai vu tripoter les batteries non, par un tout le truc. Je suis sûr que tu vas tricher. Allez. Regarde, je mélange. On rappelle les bails du chapeau, non ? Alors, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Afin de nous proposer un film, hein. Comme Bouygui, 7 ans au Tibet. 7 ans au Tibet ? Ah bon ? Qui a proposé 7 ans au Tibet ? C'est Bouygui ? C'est Bouygui. Bon, bah on va le faire. Il y a quelqu'un qui avait proposé 7 ans au Tibet ? Ah, c'est le fils de Bouygui. Bouygui ! Bouygui ! Il y a un petit papier qui est tombé. Et on va pas le remettre dans le chapeau, comme ça le mec il sera vraiment deg. Attends, vas-y. Ah, c'est sûr. Allez, deuxième film. Deuxième, c'est sympa. Hein. Putain, 7 ans au Tibet, j'ai jamais vu. Pas chaud du tout. Moi. Un peu de castagne hein, après pour compenser quand même. Et on a Piège en haute mer. Non, c'est Gothica de Mr. Ney. Ah, bah, Gothica c'est cool. De Kassovitz. Ouais. Ah, bah, voilà, un film français. Voilà. Moi, j'ai ah, déjà bah, vu. Super. Ouais, non, attends. Il est pas français hein, ce film. Ah, ah oui, bon d'accord. Bon, bah, c'est un réalisateur français quoi. Je l'ai vu, c'est une histoire de fantôme. Et ça fait pas peur du tout. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de 7 ans au Tibet. Et bah, à la semaine prochaine. Allez, à ciao. À la semaine prochaine, ciao.